Sainte Bible selon Saint Jérôme, lecture du Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Qu'il me donne un baiser de sa bouche, car tes mamelles sont meilleures que le vin, suaves comme les parfums les plus exquis. Ton nom est une huile répandue, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi, nous courons à l'odeur de tes parfums. Le roi m'a introduite dans ses celliers. Nous tressaillirons et nous serons ravis de joie en toi. Nous souvenons de tes mamelles meilleures que le vin. Les cœurs droits te chérissent. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne considérez pas que je suis devenue brune, c'est le soleil qui m'a ôté mon éclat. Les fils de ma mère se sont élevés contre moi. Ils m'ont établie gardienne dans les vignes. Je n'ai pas gardé ma vigne. Apprends-moi, ô toi qui aimes mon âme, où tu fais paître tes brebis, où tu te reposes à midi, de peur que je ne m'égare en suivant les troupeaux de tes compagnons. Si tu ne te connais pas, ô la plus belle d'entre les femmes, sors et va à la suite des troupeaux, et fais paître tes chevreaux près des tentes des pasteurs. Je t'ai comparé, ô mon ami, à mes coursiers, attelés au char du Pharaon. Tes joues ont la beauté de la tourterelle. Ton cou brille comme un collier. Nous te ferons des chaînes d'or marquetées d'argent. Tandis que le roi était sur son lit de table, mon nard a exhalé son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe. Il demeurera entre mes mamelles. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de cypre dans les vignes d'Engadi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont comme ceux des colombes. Que tu es beau, mon aimé, que tu as de charme. Notre lit est couvert de fleurs, les solives de nos maisons sont de cèdre, nos lambris de cyprès. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire. Pour le site jesusmarie.com afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.